Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 66. Voici ce que dit le Seigneur. Le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle est cette maison que vous me bâtirez? Et quel est ce lieu de mon repos? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Elles ont été faites toutes, dit le Seigneur. Mais vers qui porterai-je mes regards, sinon vers le pauvre? Et celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à mes paroles. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie une bête de menu bétail est comme celui qui ôterait la cervelle à un chien. Celui qui fait une oblation est comme celui qui offrirait du sang de porc. Celui qui se souvient de brûler de l'encens est comme celui qui adorerait une idole. Ils ont choisi toutes ces choses dans leur voie. Et dans leurs abominations, leur âme s'est délectée. D'où moi aussi, je choisirai pour eux les railleries, et ce qu'ils craignaient, je l'amènerai sur eux. Parce que j'ai appelé, et il n'y avait personne qui répondit. J'ai parlé, et ils ne m'ont pas écouté. Ils ont fait le mal à mes yeux, et ce que je n'ai pas voulu, ils l'ont choisi. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom ont dit que la gloire du Seigneur se montre, et nous la reconnaîtrons à votre joie. Mais eux, ils seront confondus. Une voix du peuple sort de la cité. Une voix s'élève du temple. C'est la voix du Seigneur, qui rendra rétribution à ses ennemis. Avant qu'elle fût en travail, elle a enfanté. Avant que vint le temps de son enfantement, elle a enfanté un enfant mâle. Qui a jamais ouï une telle chose? Et qui a vu rien de semblable à cela? Est-ce que la terre engendrera en un seul jour? Ou toute une nation sera enfantée en même temps? Parce que Sion a été en travail et qu'elle a enfanté ses fils. Est-ce que moi qui fais enfanter les autres, je n'enfanterai pas moi-même? Dit le Seigneur. Est-ce que moi qui donne la génération aux autres, je demeurerai stérile? Dit le Seigneur ton Dieu. Livrez-vous à la joie avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous avec elle, vous tous qui pleurez sur elle. Afin que vous suciez et que vous soyez rassasiés à la mamelle de sa consolation. Afin que vous têtiez et que vous regorgiez des délices de sa gloire infinie. Parce que voici ce que dit le Seigneur. Voilà que moi j'amènerai sur elle comme un fleuve de paix, et comme un torrent qui se déborde, la gloire des nations, laquelle vous sucerez. À la mamelle vous serez portés, et sur les genoux on vous caressera. De même qu'une mère qui caresse quelqu'un de ses enfants, de même moi je vous consolerai, et c'est dans Jérusalem que vous serez consolés. Vous verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os comme l'herbe germeront. Et l'on connaîtra que la main du Seigneur est pour ses serviteurs, et il sera indigné contre ses ennemis. Parce que voilà que le Seigneur viendra dans le feu, et ses quadriges seront comme la tempête, pour répandre dans son indignation sa fureur et ses reproches dans une flamme de feu. Parce que le Seigneur jugera dans le feu et avec son glaive toute chair. Ils seront bien nombreux ceux qui seront tués par le Seigneur. Ceux qui se sanctifiaient et croyaient se rendre purs dans leur jardin derrière la porte en dedans, qui mangeaient de la chair de porc et des abominations et des rats, seront consumés tous ensemble, dit le Seigneur. Mais moi je viens afin de recueillir leurs œuvres et leurs pensées, et de les rassembler avec toutes les nations et les langues. Ils viendront et ils verront ma gloire. Je poserai un étendard parmi eux, et j'enverrai ceux d'entre eux qui auront été sauvés vers les nations, vers la mer, en Afrique et en Lydie qui tend la flèche, dans l'Italie et la Grèce, dans les îles au loin, vers ceux qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonceront ma gloire aux nations. Et ils amèneront tous vos frères de toutes les nations comme un don au Seigneur, sur des chevaux, sur des quadriges et sur des litières, sur des mulets et sur des chariots, à ma montagne sainte, Jérusalem, dit le Seigneur, comme si les fils d'Israël portaient un présent dans un vase pur dans la maison du Seigneur. et j'en prendrai d'entre eux pour prêtres et lévites, dit le Seigneur. Parce que comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsister devant moi, dit le Seigneur, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et il arrivera que de mois en mois et de sabbat en sabbat, toute chair viendra, afin d'adorer devant ma face, dit le Seigneur. Et ils sortiront, et ils verront les cadavres des hommes qui ont prévariqué contre moi. Leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront un objet de regard jusqu'à satiété pour toute chair. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.